Quelle est cette petite planète bleue, amiral? Ses habitants l'appellent la Terre, Majesté. Peut-on la réduire en cendres pour en faire du carburant? Écoutez d'abord ce que nous avons capté. Comme c'est beau. On dirait les fontaines de cristal d'Altaïr. Je suis ému. Regardez, j'ai les tentacules qui bavent. Épargnez-les. Bonjour et bienvenue sur British Connection. Je m'appelle Thomas Gettner, je suis journaliste et auteur de plusieurs livres sur la musique. Je viens de publier Kraftwerk Trans-Europe Express, un petit bouquin de 128 pages publié dans la collection 7 Inches, 45 tours en français, des éditions Le Boulon. Comme son nom l'indique, ce livre est entièrement consacré à ce titre mythique de plus de 6 minutes et 40 secondes, Trans-Europe Express, publié donc en 77, et élaboré par 4 Allemands de Düsseldorf, à savoir Florian Schneider, Ralf Hütter, Wolfgang Fuhr et Karl Bartos. Je dis mythique, mais je pourrais même dire révolutionnaire et futuriste au sens de l'anticipation, car Trans-Europe Express, publié en pleine période disco et punk, fait figure d'ovni, puisque c'est un morceau totalement électronique, répétitif et presque hypnotique. Trans-Europe Express, c'est en fait la retranscription musicale de la vitesse et du confort de ce train mythique et luxueux qui a sillonné une partie de l'Europe entre 1957 et 1983. Mais pour Kraftwerk, c'est bien plus qu'un simple moyen de locomotion, c'est aussi ce lien tissé entre différents pays d'Europe et cette tentative de réunification avec une Allemagne encore brisée par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce morceau entièrement réalisé avec des instruments électroniques célèbre ce moyen de transport à travers des refrains, au contenu géographique, des Champs-Élysées à Vienne jusqu'à Düsseldorf, récités sous forme de haïku par la voix robotique de Florian Schneider. Pour illustrer ce propos, je vous laisse donc écouter ce morceau en question, auquel je consacre cet ouvrage, Trans-Europa Express en version originale du quatuor de Düsseldorf, Kraftwerk. Express. Pop City, meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Personne n'aurait pu imaginer l'impact qu'allait avoir ce morceau non seulement sur la musique électronique, nous y reviendrons, mais aussi et surtout, devrais-je dire, sur la naissance d'un autre courant musical, sans doute aujourd'hui considéré comme le plus important de la planète, le hip-hop. Car 5 ans après la sortie de Trans Europe Express, c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'une autre évolution artistique combinant le graffiti, la danse, le DJing et le rap est en train de naître. Elle est incarnée par une espèce de gourou prénommé Afrika Bambaataa, chef de file de la Zulu Nation, au précepte universaliste résumé en 4 mots « Peace, Unity, Love and Having Fun ». Afrika Bambaataa, donc, épaulé par le groupe Soul Sonic Force, publie en cette année 1982 le titre « Planet Rock ». Un titre qui va envahir les ondes, mais surtout les fêtes de quartier du Bronx qui ont donné une aura toute particulière à ce morceau. Vous allez me dire quel est le rapport avec Kraftwerk ? Eh bien, l'un des producteurs, Arthur Becker, spécialiste de l'électronique et du remix, est débarqué au sein du prestigieux label Tommy Boy Records de Tom Silverman à la bonne idée de reprendre dans Planet Rock, donc un échantillon du Trans Europe Express de Kraftwerk. Un disque qu'il a déniché chez le magasin de vinyle Music Factory à Brooklyn. Mais il ne va pas se contenter de sampler l'original, il va rejouer les notes au synthétiseur et recréer le motif rythmique à l'aide de la célèbre boîte à rythme TR-808. Pour la petite histoire, les Soul Sonic Force et Bambaataa ne sont pas très chauds à l'idée de rapper sur ce morceau. Et pourtant, Planet Rock va devenir un tube planétaire, au point que Bambaataa lui-même dira « Je pense que Kraftwerk ne savait même pas à quel point ils étaient ancrés dans la musique noire en 77 quand ils ont publié Trans Europe Express ». Je vous propose donc d'écouter ce fameux titre devenu la pierre angulaire du mouvement hip-hop, le Planet Rock signé Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force. Party people. Party people, can y'all get funky? Soul Sonic Force, can y'all get funky? The Zulu Nation, can y'all get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That body just getting so funky now, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dream. About the seats, make your body sway, socialize, get down, let your soul lead the way, shake it now, go ladies, it's a living dream, love, life, live, come play, the game, our world is free, do what you want, but Avec vous depuis 1982. You rock! Citrons Europe Express a donc été l'une des locomotives du rap. Kraftwerk a aussi largement contribué à l'émergence d'un autre mouvement musical tout aussi important, la techno. Et c'est donc à plus de 6000 km de Düsseldorf, aux États-Unis, et plus précisément à Détroit, que le quatuor allemand va infuser pour donner naissance à cette musique hypnotique, radicale parfois, mais surtout éminemment humaine et universelle. Et c'est par le biais d'une émission de radio animée par un certain Electrifying Mojo sur les ondes de la WJPA, une radio locale de Détroit, que la musique de Kraftwerk va être tout simplement à l'origine de la création d'un style musical. Dans cette capsule radiophonique baptisée Midnight Funk Association, diffusée la nuit de 22h à minuit et lancée en 1977, Electrifying Mojo joue des morceaux en entier, sans coupure pub et sans limite de style. mais surtout bien loin de la programmation des radios mainstream. C'est ainsi que les auditeurs vont découvrir les premiers morceaux de Prince, B-52s, Parliament, la formation de George Clinton, ou encore l'album Autobahn de Kraftwerk qu'il va diffuser en intégralité. Bien évidemment, il va aussi diffuser le disque Trans-Europe Express qu'il aurait, selon la légende, déniché dans une poubelle de la station radio et qui servait d'accompagnement musical pour les coupures pub. Un comble. De l'autre côté du poste, trois gamins du quartier de Belleville écoutent religieusement cette grand-messe d'anticipation. Ils s'appellent Kevin Sanderson, Derrick May et Juan Atkins et sont subjugués par les sons produits par Kraftwerk. La dimension industrielle qui rapproche Détroit, la Motor City et Düsseldorf, ville de la métallurgie, se ressent dans la musique. Et c'est donc largement inspiré des compositions de Kraftwerk, et notamment de Trans-Europe Express, que ce trio que l'on baptisera les Belleville Tree se mettent à la musique et composent des titres qui vont façonner ce nouveau style musical appelé techno. C'est Juan Atkins qui se lance le premier dans le bain électronique. Il veut parvenir à un savant dosage entre la rigueur allemande de Kraftwerk et l'esprit funky de George Clinton, une définition qui deviendra celle de la techno. Pour terminer, je vous propose donc d'écouter Allies of Your Mind de Cibotron, alias Juan Atkins, un titre publié, tenez-vous bien, en 1981. Chez vous, pas de problème avec British Connection, c'est aussi bien qu'à la maison. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, I'm moving further away. Won't you need me? All I needed was touch of your hand behind a closed door. Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Si la troisième partie est fin de cet album de la semaine, il s'appelle RAS 84, un EP, rien ne pourra effacer. Retrouvez toutes leurs infos et dates de concert sur leur page Facebook. Pour toute une vie, Rémi, le chanteur, avait amené un a cappella d'un vieux groupe, Bijou, qui est un groupe de rock'n'roll français. De la fin des années 70, début 80. Et cet a cappella qui est sur leur second album, bah, ça n'a rien à voir avec du punk ou de la hoï, mais n'empêche qu'il sonnait. Et du coup, il l'a ramené, il avait envie qu'il y ait un truc construit autour. Et c'est Fred, un des guitaristes du groupe, qui a composé le morceau et qui a repris et qui a un peu magnifié finalement cet a cappella quand on a fait le refrain central du titre. Et finalement, on retrouve les influences habituelles du groupe, des gros chœurs entre punk et oi. Ça fonctionne. Et puis, pour ce qui est du thème, c'est un peu sur à la fois les relations amicales et la musique qui aide parfois à supporter bien des choses difficiles dans la vie. En gros, c'est ça, c'est toute une vie. British Connection, just rock. T'as pas eu le temps d'avoir des rêves, t'as encore des bribes d'espoir. Jean-Emmanuel, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir allumer la cheminée, s'il vous plaît? Non, Mario Dill. Vous me faites chier. Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, la semaine prochaine, dans British Connection, Amar ex Frelon nous parlera de ska grâce à son groupe French Crazz. Amar fera sa British Connection la semaine prochaine.